Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire en confinement, la crise du verglas en 1998. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome. Eh bien, je vais vous dire des choses comme on peut les voir en ce moment. Ce n'est pas encore l'état d'urgence, mais la situation est d'urgence. Après 5 jours de crise, probablement que c'est la pire journée de toutes. Ça s'est encore détérioré sur la rive sud de Montréal, qui est la région la plus touchée. Mais finalement, c'est surtout à Montréal même que la détérioration surtout s'est fait sentir. Ce qui fait que pour le moment, il y a 1 300 000 foyers au Québec qui n'ont pas d'électricité. Le 9 janvier 1998, le réseau de transport hydroélectrique du Québec s'effondre littéralement sous le poids du verglas. Ce fameux vendredi noir, presque 1,5 million de foyers québécois est privé d'électricité. La crise du verglas de 1998 touche principalement le Québec et l'est de l'Ontario. Il faudra une trentaine de jours pour que la vie reprenne à peu près normalement son cours dans ce qu'on a appelé le fameux triangle noir de la Montérégie. Pour revivre cette crise du verglas de 1998, je reçois l'animatrice des Années Lumière, Sophie André Blondin, qui a couvert la crise du verglas à la radio à l'époque. Sophie André, bonjour. Oui, bonjour. Jean. Merci d'être là parce que c'est assez nouveau encore cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous avez accepté de relever le défi. Je le rappelle aux auditeurs, on fait des émissions avec des collègues qui peuvent venir à Radio-Canada ou qui peuvent nous parler parce qu'ils sont équipés de leur maison. Donc, crise du verglas au menu aujourd'hui. Parlez-moi, avant de la couvrir comme journaliste, vous allez la vivre comme citoyenne. Oui. Ça commence quand et comment cette crise du verglas pour vous? Bon, dès le début, le 5 janvier, je suis en vacances, moi, avec ma famille. Je suis une petite madame du plateau Mont-Royal. quand ça commence, je suis une citoyenne qui se pâme devant la beauté oui. de tout ça parce que c'est magnifique. Les arbres sont beaux, la glace est belle. Je traversais le parc La Fontaine, je m'en allais à la rencontre d'amis en me pâmant comme ça intérieurement, en me disant à quel point c'était beau, jusqu'à ce que la police vienne me voir en me disant « Madame, sortez du parc, les branches tombent, c'est dangereux. » Et c'est là que j'ai réalisé, d'accord, on vient de passer à l'étape, à l'autre étape. Et très rapidement, comme l'électricité est venue à manquer à Montréal, j'avais 2 enfants de 3 et 5 ans dans un appartement assez mal chauffé ouais. du plateau Mont-Royal. J'en gardais d'autres pour des amis puisque la garderie manquait d'électricité. Ça s'est mis à courir partout dans la maison avec des planchers qui craquent, alors les chandelles tombaient un peu partout. Après une nuit ou une couple de nuits, mais là, le froid arrivait, alors toute la famille ensemble dans le même lit, ça devenait même trop froid pour vivre. Alors on est allé trouver refuge dans un appartement d'étudiants chez ma petite sœur. Il y avait l'électricité, mais pas d'eau courante, donc ouais. il fallait aller chercher... On prenait de la neige dans des seaux pour faire aller les toilettes. Alors, je l'ai vécu comme petite sinistrée de Montréal. Je vous raconte ça, ça a l'air épouvantable, là. Mais dans le fond, j'étais privilégiée, j'étais à Montréal, ouais. il y avait quand même des services. Mais il y avait cette ambiance de fin du monde, la glace partout, le bruit. Des bulldozers qui essayaient de craquer, de casser la glace sur les trottoirs. Les transformateurs qui explosaient. Oui. Les enfants avaient peur de sortir de l'auto parce que dehors, il y avait vraiment cette espèce d'ambiance de fin oui. du monde. Drôle de vacances. Et qu'est-ce qui s'est passé de fait? On va quand même prendre oui. le temps de le rappeler un peu, cette beauté extraordinaire, mais qui fait littéralement, qui va faire tomber énormément d'arbres, qui va faire tomber le réseau d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qui se passe en janvier 98 sur le plan scientifique, Sophie-André Blondin? Météorologique, oui. Alors, il y a cette tempête de pluie verglas glaçante qui s'abat. C'est d'ailleurs pas seulement moi, c'est l'est du Canada, l'est ontarien, Nouveau-Brunswick, Québec, bien sûr. Des tempêtes de verglas, c'est banal. Ça arrive de 10 à 15 fois par année habituellement. Et pour avoir du verglas, il faut une sorte de sandwich. Alors, vous avez la tranche du haut, qui est celle d'où émanent les précipitations. Il fait froid là, ça sort sous forme de neige. Et si au milieu s'insère une masse d'air chaud, qui est le milieu du sandwich, ouais. quand la neige passe, elles font. Mais là, ça devient donc de la pluie. Mais si la tranche du bas de votre fameux sandwich, c'est une autre masse d'air froid, ben les gouttes qui passent refroidissent à nouveau. J'ai... Ça donne du grésil, ouais. ça donne du verglas. En 1998, il y avait une masse d'air froid qui ne bougeait pas, qui était stable au-dessus des zones qui ont été touchées. Et il y a une masse d'air chaud qui est arrivée, le milieu du sandwich, occasionnée, dit-on, par le phénomène El Niño, qui s'est déplacé depuis le golfe du Mexique et qui est venu vers l'est du Canada. Et tout ça, ça a duré longtemps. Donc, avec ces ingrédients de sandwich, on ajoute le nombre et le temps. Il y a eu 3 suites de pluies verglaçantes en un temps très court. Environnement Canada dit que la précipitation verglaçante a tenu pendant 80 heures. C'est presque le double des durées actuelles. Ouais. Et ça a donné une mesure de verglas. Bon, la mesure du verglas, c'est très variable. C'est difficile de mesurer exactement. Mais pour les 6 jours de la tempête de verglas, on parle de l'équivalent, d'un équivalent de 100 millimètres à certains endroits. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de verglas. Et ça a créé, vous en parliez dès le début, une espèce d'atmosphère assez particulière. Toute chose étant relative, il faut le préciser, mais on est en pleine crise du coronavirus actuellement. Comment on peut comparer cette situation de la crise du verglas en 98 avec ce qu'on vit présentement? Dans quelle mesure ça se compare ou pas, ces deux affaires-là? Parce qu'il y a quand même cette atmosphère de, je pense, vous disiez, de fin du monde. Oui, il y a quelque chose de... Bien, il y a une atmosphère, on dirait... On va dire qu'on on a tous l'impression de vivre un moment surréel. Oui. Et une parenthèse dans le temps. C'est comme si le temps soit s'accélère, soit s'arrête. On ne sait même plus... On n'a plus de repères dans le temps. Il y avait un peu de ça avec la crise du verglas, mais prenez des proportions différentes. Il y a eu, bon, 3 millions de personnes touchées. On parle d'1 400 000 personnes sans électricité au plus fort des de foyers, la crise. Des foyers, ce qui donne à peu près 3 millions de personnes qui ont été affectées. Mais là, c'est tout le monde. Par contre, ce qui est semblable, c'est qu'on vit tous le même stress en même temps. Oui. Et ça, c'est assez rare. On a tous le même traumatisme en même temps. Alors ça, c'est évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et comme citoyen, et comme journaliste, qui nous rappellent effectivement les événements du verglas. Puis dans le cas du verglas, moi, je l'avais oublié, mais en préparant l'émission, ça se compare pas complètement, mais il y a quand même, dans un temps plus limité, mais une forme de paralysie. Il y a moins de déplacements sur les routes. Il y a des gens qui pourront pas, dans certaines régions, ça va durer plus longtemps, qui pourront pas aller travailler. Un ralentissement économique, tout oui. ça. Oui, ça existe aussi en 98. Revenons un petit peu à votre retour de vacances, Sophie André. Oui. Vous étiez en vacances jusque-là. Mais non, c'est fini. Vous oui. rentrez au bureau en janvier 98 après les vacances des fêtes et vous êtes précipité dans cette couverture-là. Comment ça se passe? Vous en êtes où dans votre carrière à ce moment-là? Comment ça se passe pour vous? Bien, moi, je suis justement à une croisée des chemins. Je viens de passer un automne à remplacer, à animer les émissions matinales à l'antenne de Radio-Canada le matin, donc les grandes matinées. Et je me prévois revenir comme journaliste d'affaires publiques à la radio de Radio-Canada. Et j'arrive, et mes collègues, ceux vraiment qui couvrent, là, qui peuvent dire qu'ils ont couvert le verglas, ce sont les personnes des nouvelles qui, ouais. tous les jours, partaient. Mais j'arrive ici, et mes collègues sont plus barbus, un petit peu plus fripés qu'à l'habitude, parce qu'il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes sinistrés ouais. et qui, chaque jour, doivent sortir, aller à la rencontre des gens qui vivent le verglas. Donc, ceux qui couvrent le verglas aux premières lignes, ce sont vraiment eux. Et comme je viens de finir ce emplacement, qu'on pense m'envoyer ailleurs, mais qu'on n'a pas encore déterminé, on va me faire faire un petit détour par ce qui va s'appeler Radio Service Montérégie, qui est une radio parallèle oui. qui va utiliser l'antenne FM qui était prévue d'utilisation pour Radio-Canada, mais un petit peu plus tard dans la saison, et qui va servir. Donc c'est un petit grand détour, parce oui. que pendant toute la crise du verglas, je vais devenir animatrice de ligne ouverte, émission d'information, émission de service, l'espèce de salimi-gondi d'informations, services qu'on a servis. Services publics, accompagnement beaucoup exactement, aussi. Exactement, exactement. Oui. Beaucoup plus qu'à l'habitude. Oui. Le pic de la crise, on revient à ce qu'on entendait au tout début de l'émission. Il y avait Bernard de Rome qui ouvrait donc cette émission spéciale le 9 janvier. Ça, c'est le fameux Vendredi noir, oui. le 9 janvier. C'est le pic, au fond, de cette crise-là. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bien, l'étau se resserre sur Montréal à ce moment-là. Les pylônes ont déjà commencé à tomber, mais il y a encore des pylônes qui tombent autour. La centrale de Beauharnois à Montréal s'arrête aussi. Il y a trois lignes supplémentaires qui tombent dans la région de Montréal. Donc, il ne reste que 2 lignes pour approvisionner la ville. Alors, ça inclut l'approvisionnement, les usines de filtration, donc l'eau potable. Oui. Ça ne tourne plus. On en est à 2 heures de manquer d'eau. L'eau a atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint depuis ou avant. C'est oui. le niveau minimal qu'il n'a jamais atteint. Évidemment, bon, comme ça dépend des lignes d'Hydro-Québec, on n'est pas équipé, on n'a pas pensé à ce plan B encore pour les usines de filtration. Alors, on est devant une situation où Montréal pourrait manquer d'eau potable. On pense d'ailleurs déjà à des camions, aller chercher de l'eau dans les piscines, aller chercher de l'eau là où on peut en trouver pour approvisionner les hôpitaux, et il y a une baisse de pression de l'eau. Tout le monde peut le remarquer avec la baisse de la pression de l'eau, mais tout le monde ne remarque pas nécessairement la gravité de la situation. Et là, comme journaliste, il y avait une question, et comme média, il y avait une question supplémentaire qui se posait. Est-ce qu'on diffuse tout ce qu'on a oui. comme information? Parce que morceau par morceau, on comprenait que quelque chose de grave était en train de se passer ici, qu'il y avait possibilité d'une situation très grave, manque d'eau à Montréal. Pensez aux hôpitaux, pensez aux services des incendies qui ne peuvent plus éteindre les feux, par exemple. Est-ce qu'on dit tout ce qu'on a parce qu'on a l'information et qu'on est un média, ou est-ce qu'on prend une part de responsabilité pour éviter la panique? Parce que si on diffuse tout, les gens peuvent avoir un comportement qui va accélérer le danger. Et là, la question se pose encore. Vous me demandiez tout à l'heure les liens avec, avec maintenant. C'est la même chose avec les fameux scénarios. Oui. Les médias, les décideurs publics qui se sont, puis on l'a vu effectivement récemment, qui la question s'est posée. Jusqu'à quel point on est transparent dans le cas de la crise de la COVID-19? Est-ce qu'on rend public les scénarios? Quels scénarios on rend public? Donc, et puis, l'autre parallèle, évidemment, puis tout de suite, on va entendre un extrait d'une de ces fameuses conférences de presse tenues chaque jour par le premier ministre à l'époque, Lucien Bouchard, et le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé. Mais ça aussi, évidemment, on en reparle dans un instant, mais c'est un parallèle assez flagrant avec ce qu'on vit aujourd'hui, autant en 98 durant la crise du verglas qu'aujourd'hui en 2020 durant la crise du coronavirus. Au Québec, il y a chaque jour un point de presse qui est devenu un rendez-vous pour des millions de Québécois. En 98, donc, c'est Lucien Bouchard et André Caillé qui tiennent ce point de presse chaque jour. Voici ce que le premier ministre Bouchard disait aux Québécois le 9 janvier 98 lors de ce fameux Vendredi noir. Au moment où on se parle, il y a environ 1 300 000 abonnés et qui sont privés d'électricité. Et vous savez qu'un abonné, c'est plus qu'une personne. Il faut multiplier par un certain coefficient. On est quelque part là, entre 2,5 millions et 3 millions de personnes au Québec qui sont privées d'électricité. Et c'est concentré, comme vous le savez, dans la grande région de Montréal, de Montérégie, l'Outaouais. Nous avons aussi le troisième élément de fait. Notez que dans certaines parties de la zone affectée, les opérations de restauration des services d'électricité ne seront peut-être pas seulement qu'une question de quelques jours, mais ça peut être plus long. Une question de durée qui va jouer, notamment du côté de la rive sud. Nous avons décidé de l'ouverture de nouveaux centres d'hébergement. Nous en avons présentement 200 en opération. Nous allons en ouvrir d'autres. Nous allons hausser considérablement la capacité d'hébergement pour être prêt à faire face à tous les besoins qui pourraient se manifester. Nous avons décidé d'accroître la disponibilité de matériel du côté des lits en particulier et surtout du côté des génératrices. Alors, à quoi ça nous donne une petite idée du portrait de ce jour-là. À quoi ressemble Québec, ça fait André Blondin, à ce moment-là? On est au pic, là, début janvier 98. 9 janvier. Effectivement, Monsieur Bouchard parlait de ces centres, des besoins de lits et de génératrices. Il faut penser qu'il y a 100 000 personnes qui ont dû fréquenter des centres d'hébergement qu'on a mis sur pied, un peu en catastrophe, mais de façon assez efficace dans plusieurs régions, beaucoup à Montréal et sur la rive sud aussi. 454 centres d'hébergement ont dû être mis sur pied avec 100 000 personnes qui les ont fréquentées, qui se sont rendues là en pensant que ça durerait peut-être une journée, deux jours, à la rigueur une semaine, mais ça durait beaucoup plus longtemps. Ouais. Et ça, le premier ministre avait commencé à l'installer dans l'esprit des gens. Dans cette zone particulière, le fameux triangle noir. Mais assez rapidement, les centres se sont vidés parce que les gens se sont déplacés dans la parenté, chez la famille, chez des amis. Alors, quand on parle de 100 000 personnes qui ont été hébergées dans ces centres, c'est quand même 600 000 personnes au Québec qui ont été déplacées parce qu'elles ont quitté leur famille. Et quand on parle des liens avec la crise d'aujourd'hui, à l'époque, ce qu'on disait aux gens, c'est accueillez les autres. Oui. Rapprochez-vous les uns des autres. C'est pas grave si vous êtes 8 dans le salon. Ben là, cette fois-ci, c'est exactement... Cette fois-ci, la solidarité veut qu'on s'éloigne les uns des autres. Oui. Mais à l'époque, la solidarité voulait qu'on accueille qui nos voisins, qui nos parents, nos neveux, nos nièces. Ça créait certaines frictions dans certains foyers. Il faut aussi imaginer une société où, vous l'avez dit, l'économie est au ralenti, l'éducation est au ralenti aussi, les déplacements sont compliqués pour tout le monde. Et ça fait une société où les gens se précipitent sur certains produits. Vous venez d'entendre le mot génératrice. Oui. La course à la génératrice a été folle. Tout le monde voulait des génératrices en même temps. Il n'en reste plus dans les quincailleries. Mais pas seulement les génératrices, les chandelles. Oui. Il y avait pénurie de chandelles. Les tablettes se vidaient de chandelles. Alors, je me souviens qu'à la radio où je travaillais, quand on servait la population de la Montérégie, on leur donnait les bonnes adresses pour se trouver des chandelles. Un peu comme dans la crise du coronavirus, ça a été le papier de toilette. Exactement. Au début. Voilà. En 98, le papier de toilette a eu la vie sauve, oui. Cette fois-là. Parlez-moi de cette radio donc, qui va être créée, vous le dites, à la mi-janvier 98. Là, on crée, ça commence sur notre radio, notre antenne principale, cette notion de service public. Il faut informer les Québécois de cette catastrophe, de cette crise du verglas. Puis, dès la mi-janvier, on crée une radio verglas, c'est comme ça qu'on l'a appelée entre nous, fréquence entièrement consacrée à la couverture de la crise du verglas. Comment ça naît, cette affaire-là, puis comment ça se met en place, cette radio-là? Bien, il y avait une occasion à saisir. Oui, l'occasion, tout d'abord, de transformer toute la programmation de la chaîne principale de Radio-Canada en service public pour les gens qui en avaient besoin. Mais il y avait... on était à l'époque au AM, 690 AM à Montréal. Il y avait déjà planification, accord de tout était planifié pour que nous passions... On va dire, on va passer au FM, c'est comme ça qu'on disait. On allait passer à la chaîne 95,1 à Montréal. Mais elle était pas... Donc, la fréquence n'était pas encore occupée. Ouais. Radio-Canada devait l'occuper un peu plus tard, mais rapidement, les patrons ont eu l'idée de demander au CRTC d'occuper la chaîne FM 95,1 un petit peu plus tôt et d'en faire une radio vraiment entièrement dédiée à la population qui serait touchée et le plus longtemps possible, pendant que le reste de la province et le reste du pays, parce que Radio-Canada, c'est aussi ça, se rétablissait, passait à autre chose, n'avait pas envie d'entendre ou s'acheter des chandelles s'il n'y avait pas de problème de chandelles ou génératrices. Ouais, parce qu'au fond, ça va durer, pour ce fameux triangle noir, plus de 30 jours, la crise du verglas, ce qui est une éternité. Mais pour la plupart des Québécois, le pic, c'est le 9 janvier quand le réseau tombe à peu près complètement, mais quelques jours plus tard, la situation... C'est voilà, c'est fini. C'est fini, alors que la radio, on l'appelait Radio Service Montérégie, est entrée en onde le mardi 13 janvier à 9 h. Alors, on commençait là et on a eu 400 heures de radio qui a été vraiment seulement dédiée aux populations qui étaient le plus touchées dans le fameux triangle noir, donc sur la rive sud de Montréal. Radio de proximité, d'accompagnement, de proximité, de service public. Vous allez comprendre, en fait, l'esprit de cette radio. On en parle dans un instant avec vous. Vous l'avez vécu, Sophie-André Blondin, mais vous allez tout comprendre en écoutant cet extrait d'une tribune téléphonique animée par Dominique Payette durant cette crise du verglas. On est à la mi-janvier 1998. Et Linda, maintenant, qui est à Longueuil, est en ligne avec nous. Bonjour, Linda. Bonjour. Alors, ça se passe comment? Ben, il fait zéro. Il fait 0 degrés Celsius. Pardon? Il fait 0 degrés dans votre appartement? Oui. Je me suis barricadée dans ma chambre. J'ai condamné mes fenêtres. J'ai allumé une vingtaine de chandelles. Oui, mais est-ce que vous avez besoin d'aide en ce moment à 0 degré? Non, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Ben, disons que depuis mercredi que j'ai pas d'électricité. Puis les deux premiers jours, je les ai passés à conduire pour me réchauffer dans mon auto, qui a toujours été renfermée. Puis aller vivre chez les gens, je suis pas capable. J'ai des amis qui m'ont dit d'aller chez eux, mais je peux pas... Je me ramène toujours à chez moi. Je suis allée voir les centres d'hébergement. Puis, non. Vous allumez des chandelles, vous essayez de vous réchauffer. Est-ce que vous faites quelque chose? Oui, ben, j'ai allumé 24 chandelles. Et il fait toujours 0 degrés Celsius? Ben, disons que j'ai à peu près 6 grosses douillettes sur le dos. Et puis, je sens encore le froid passer au travers. J'ai des pantalons, j'ai des pantoufles, des gros bas de laine. En fait, vous êtes en danger, là, actuellement? Non, pas vraiment. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi l'hypothermie? L'hypothermie, c'est une chute de la température du corps qui provoque un certain engourdissement, certaine fatigue. OK. Et qui est une situation métabolique extrêmement dangereuse. Et c'est un peu sournois aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que peut-être on s'en aperçoit pas tout de suite. Donc, la conclusion, c'est que vous ne devez pas prendre de risques. Et s'il fait 0 degré Celsius dans votre logement, vous êtes en danger. Alors, je vais vous repasser Hélène Doyon, et vous allez discuter avec elle pour voir comment vous allez sortir de là, de ce logement de Longueuil. Mm-hmm. D'accord, Linda? Oui. Merci. Ça, c'est l'exemple parfait, ce qu'on vient d'entendre, Sophie-André Blondin, de ce qu'a pu être cette radio-là, au meilleur de ce qu'elle a été. au meilleur. Et vous avez remarqué là, dans la voix de Dominique Payette, bon, la compassion qu'il y a là, c'est ce que la radio apporte. Le principe de la radio qui est très intime comme relation. Là, on était carrément dans l'intimité des gens. Et on était aussi... on avait ce rôle à la fois, oui, d'informer, de donner de l'information, mais d'écouter. Ouais. Les gens n'avaient pas seulement besoin de génératrices de chandelles et d'informations factuelles. Ils avaient besoin de parler. Ils avaient besoin de s'exprimer. Et il y a eu donc de très, très longues nuits comme ça de tribunes téléphoniques qui ont été ouvertes même pendant la journée. Il fallait donner la parole aux gens. Non seulement donner la parole aux gens pour qu'ils s'expriment et parfois, comme dans ce cas-là, pour les aider alors qu'ils en ont drôlement besoin. Il fallait aussi donner la parole aux gens parce que c'est à travers les gens que les solutions ressortaient parfois. Quelqu'un qui nous appelait, qui disait « Je suis pris, j'ai pas de génératrice », et on savait à peu près dans quelle région, un autre auditeur nous appelait en disant « Moi, j'en ai une génératrice, j'en ai pas besoin après 4 heures, je pourrais aller la porter. » L'information et la solution venaient aussi de la voix des auditeurs. Et ça, c'était très différent de nos programmations habituelles. Oui. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là sur le plan professionnel, avec cette particularité, parce qu'encore une fois, à un moment donné, là, vous parlez à un triangle en Montérégie. Les milieux agricoles, produits laitiers, acériculteurs, ont été très, très touchés. Vous êtes probablement super connus dans les étables de... vaches nous connaissent très bien. Oui. Alors qu'à Montréal, on vous entend même pas. Moi, je me sentais complètement en décalage parce que tous les jours, je faisais des grands blocs d'animation. Tous mes amis, tous les gens que je côtoyais, même les gens à Radio-Canada, étaient depuis longtemps passés à autre chose, parlaient d'autre chose. Et moi, je n'avais, comme journaliste et comme animatrice, qu'un seul sujet. C'était encore les effets de la crise du verglas. Donc, en décalage total, avec cette impression de me demander de dire, est-ce qu'on parle dans le désert, quoi qu'on le sentait tout à fait qu'on parlait à des vraies personnes dans le triangle noir. Et quelques années plus tard, justement, en allant faire des reportages terrain, par exemple, je travaillais une émission qui était plus agricole, je vais chez quelqu'un puis je dis 3 mots et le fermier me dit oh, « Madame Verglas! » la voix tout de suite l'a ramenée pendant la crise du verglas en m'expliquant que c'était dans son étable qu'il écoutait. Donc oui, il y a vraiment des gens de qui on a été très, très proches sans le savoir pendant qu'on était complètement déphasés, décalés par rapport au reste de la population. Est-ce qu'il est, puis ça aussi, il y a des parallèles à faire avec la situation actuelle, parce que c'est une question qu'on se pose déjà, puis je vous la pose, on termine là-dessus. Est-ce qu'il est resté quelque chose comme journaliste, comme femme, est-ce qu'il est resté quelque chose pour vous de cette période-là, de cette crise du verglas? Je pense que ce qui m'est resté comme journaliste, comme femme, c'est peut-être cet optimisme dans la crise que je retrouve encore maintenant en me disant « il se passe des choses-là, oui, qui vont durer ». Et comme journaliste et comme animatrice, c'est d'arrêter de mettre de l'avant le parler pour mettre de l'avant l'écoute. Mm-hmm. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui m'approchent maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour bien parler, pour parler à la radio? La première chose que je leur dis maintenant, je dis pour bien parler à la radio, il faut bien écouter avant. Ouais. Et c'est vraiment là que j'ai appris ce métier-là, en écoutant les jeunes. C'était un plaisir d'être à votre écoute aujourd'hui, Sophie-André Blondin. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, animatrice des Années Lumière. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.